Chanson des sardinières. Tournez, tournez, petite fille, tournez autour des fabriques, bientôt vous serez dedans. Tournez, tournez, fille des pêcheurs, fille des paysans. Les fées qui sont venues autour de vos berceaux, les fées étaient payées par les gens du château. Elles vous ont dit l'avenir, et il n'était pas beau. Vous vivrez malheureuse, et vous aurez beaucoup d'enfants, qui vivront malheureux, et qui auront beaucoup d'enfants, qui vivront malheureux, et qui auront beaucoup d'enfants, qui vivront malheureux, et qui auront beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants. Tournez, tournez, petite fille, tournez autour des fabriques, bientôt vous serez dedans. Tournez, tournez, fille des pêcheurs, fille des paysans.